Chapitre 15. Monsieur Jacques. Nous prierons le lecteur de vouloir bien revenir avec nous sur la place Saint-Germain-l'Auxerrois, à la minute précise où, après la cérémonie du mariage, Jeanne sortait de l'église, où la jeune femme, apercevant Louis XV au balcon du Louvre, s'évanouissait dans les bras de Tournehem, et où enfin le chevalier d'Assas, accoté à un arbre, assistait désespéré à cette double scène. À 10 pas de lui, il y avait un homme qui, confondu dans la foule des badauds, n'avait pas perdu un détail de tout ce que nous avons raconté. Cet homme avait vu apparaître le roi et il avait tressailli. Il avait vu Jeanne lever un long regard d'angoisse et d'amour sur le balcon, et alors ses poings étaient crispés dans un imperceptible mouvement de colère vite réprimé. Alors son regard était tombé sur le chevalier d'Assas. Avec la rapidité de conception qui était une des grandes forces de cet inconnu, il avait étudié cette charmante et loyale physionomie, si belle, si jeune et si douloureuse. Il y avait lu comme un livre ouvert l'amour le plus pur, le courage le plus aventureux, le désespoir le plus effrayant. Et il avait souri d'un mince et livide sourire. « Tiens, tiens, avait-il murmuré, mais voilà une carte dans mon jeu sur laquelle je n'avais pas compté. Allons, tout peut s'arranger, ne perdons pas de temps. » Le chapeau à la main et le sourire aux lèvres, il s'était alors avancé vers le chevalier. Mais à ce moment, il avait vu surgir les sbires et pour un pas qu'il avait fait en avant, il en fit 3 en arrière. Le chevalier fut arrêté, jeté dans la voiture qui allait l'entraîner dans l'antre formidable de la Bastille. L'homme se retourna, très désappointé, et aperçut alors le comte du Barry qui causait vivement à voix basse avec le lieutenant de police, M. Berrière. Il constata que le regard du comte du Barry suivait la voiture qui emportait le chevalier. Il vit sur sa figure la haine satisfaite comme il avait vu le désespoir sur celle du jeune homme. Alors il attendit que le lieutenant de police se fût éloigné. Il se rapprocha vivement de du Barry qui s'éloignait à son tour, le frôla comme eût pu faire un passant et, en le frôlant, murmura « Ce soir, chez moi !» Puis il passa sans s'arrêter, gagna la rue Saint-Antoine, atteignit la rue du Foin et entra dans cette maison modeste dont nous avons parlé et où nous avons vu du Barry, au sortir de la Bastille, pénétrer mystérieusement. Cette maison, en effet, était celle de M. Jacques, et cet homme, c'était M. Jacques lui-même. Il s'enferma dans un cabinet dont il ferma la porte à clé, tira les rideaux épais sur la fenêtre, et, sûr que nul ne pouvait le voir, fit jouer un ressort caché dans la muraille. Une sorte de placard s'ouvrit. Dans ce placard, il y avait des papiers soigneusement rangés et étiquetés, sans compter des traites de change sur les principaux financiers de Paris, sans compter un coffre plein d'or. Monsieur Jacques tira une des liasses de papier, la compulsa longuement, annota quelques feuilles au crayon, puis remit la liasse à sa place. Alors il s'assit à une table et se mit à écrire une longue lettre en caractères bizarres qui n'était sûrement ni des caractères français ni des caractères d'aucune langue connue. Pendant 3 heures, il poursuivit son travail qui devait être grave, car parfois il s'arrêtait, mettait sa tête dans ses mains, fronçait le sourcil et méditait longuement. Quand il eut fini, il plaça les 8 feuillets qu'il venait de remplir dans une enveloppe et écrivit l'adresse dans cette écriture inconnue que nous venons de signaler. Tout en écrivant cette adresse, il murmurait du bout des lèvres. « Pour remettre en main propre à Sa Majesté Frédéric II, roi de Prusse. » Là, voilà qui est fait. Pourvu qu'on m'écoute là-bas, tout ira bien. Enfin, il glissa le tout dans une épaisse enveloppe qu'il cacheta à la cire et sur laquelle il écrivit, en français cette fois, « À Monsieur Wilfried Jungmann, marchand d'épices coloniales, Wilhelmstrasse, Berlin, Royaume de Prusse. Commande de poivre et gingembre très pressée. » Alors il ferma le mystérieux placard, ouvrit la porte du cabinet, tira les rideaux, souffla le flambeau qu'il avait allumé et, passant dans une sorte de salle à manger très modeste, il frappa sur un timbre. Un homme parut, vêtu comme un domestique de bourgeois médiocre. Monsieur Jacques lui remit la lettre qu'il venait d'écrire et, d'une voix brève, prononça « Un courrier à l'instant pour tout ceci. En toute hâte, baron, entendez-vous » L'homme s'inclina profondément et dit « Bien, monseigneur. » Monsieur Jacques, après la sortie de ce domestique, auquel il donnait le titre de baron, s'assit dans un mauvais fauteuil, croisa ses jambes l'une sur l'autre, ferma les yeux et parut se livrer aux douceurs d'un innocent sommeil. Il était environ 8 heures du soir lorsque le comte du Barry fut introduit. « Eh bien, mon cher comte, demanda aussitôt Monsieur Jacques, ce mariage. C'est fait comme vous avez pu le voir. Je sors de l'hôtel d'Étiole. Je crois que nous avons là un rude adversaire. Et la petite ? Jeanne Poisson, elle se comporte admirablement. Oui, c'est une vaillante, fit lentement Monsieur Jacques. Là est le danger pour nous. Quel malheur que je ne sois pas tombé tout de suite sur une fille pareille. Et encore. Non, elle aime trop le roi. Elle n'eût pas fait mon affaire. Notre affaire, voulez-vous dire ? Dit railleusement le comte. Monsieur Jacques lui jeta le regard de dédain de l'homme supérieur. Mais il sourit aussitôt et reprit. « C'est ce que je voulais dire, comte. Mais voyons, que pensez-vous de la situation présente ?»« Je pense, dit du Barry en pâlissant de fureur, que ce d'Étiole est le plus redoutable des intrigants et qu'il se met en travers de ma route. Je le tuerai. »« Tuez-le si ça vous fait plaisir, dit froidement Monsieur Jacques. » En attendant, il faut absolument empêcher la petite poisson, Madame d'Étiole, d'arriver jusqu'au roi. Vous comprenez ? Absolument, il le faut. Et le moyen ? Gronda du Barry. Le roi en est féru. Le roi l'a vu à la clairière de l'Ermitage où d'Étiole et la poisson avaient amené la petite. Elle a produit son effet. Le roi a été se promener sous ses fenêtres comme un jouvenceau amoureux. Le roi s'est mis à son balcon du Louvre pour la voir sortir de l'église. Tout le monde à la cour dit que c'est une grande passion qui commence. Il fallait voir d'Étiole aujourd'hui. Tous nos courtisans étaient là, tâchant d'attirer un regard de cette petite. Et ce d'Étiole, si vous aviez vu le regard de triomphe qu'il m'a jeté ? Oui, mais elle ne se doute de rien encore. Elle ne sait pas. « Je vous le dis, il ne faut pas que Madame d'Étiole et le roi se parlent une seule fois. »« Le moyen, » répéta du Barry. « Le moyen, » fit lentement Monsieur Jacques, « c'est de mettre dans le cœur de la petite d'Étiole un autre amour, une autre passion. »« Supposez un jeune cavalier, beau, brave, hardi, intelligent et par-dessus tout amoureux, mais amoureux d'une de ces passions fougueuses auxquelles les femmes ne résistent pas. Nous prenons le jeune homme, nous l'amenons chez la d'Étiole et nous lui disons « Fais-toi aimer !» Très bien, fit du Barry. La difficulté ne serait donc que de trouver... Oh, dans mon entourage, je connais 20 gentilshommes capables de jouer ce rôle. Vous n'y êtes pas. Il ne s'agit pas d'un rôle à jouer. Il s'agit de trouver un gentilhomme tel que je vous l'ai dépeint et qui réellement, sincèrement, aime assez la petite d'Étiole pour s'en faire aimer. Je chercherai, dit du Barry. Ne cherchez pas, le jeune homme en question est tout trouvé. Et il est tel que, dans les circonstances présentes, je n'eusse jamais espéré en trouver un pareil. Et c'est, fit du Barry, non sans une secrète inquiétude et une sorte de jalousie contre cet inconnu qui pouvait diminuer sa propre situation déjà si précaire. « Comment appelez-vous le jeune homme que vous avez fait arrêter ce matin ? Demanda brusquement M. Jacques. Du Barry bondit. Celui-là ? Gronda-t-il. Ah, jamais ! Ne dites donc pas de sottises, mon cher comte, fit doucement M. Jacques. C'est mon ennemi, grinça Du Barry. Je vous ai demandé son nom. Chevalier d'Assas, haleta le comte, dominé par l'impérieux regard de M. Jacques. Celui-ci réfléchit un instant. Chevalier d'Assas, finit-il par murmurer. Oui, il me semble que je connais cela. Bonne famille de province, courage, fierté, pauvreté. Toute l'histoire de la famille est dans ces trois mots. Eh bien, voilà notre affaire. Mais je vous dis que je le hais de toutes mes forces, de toute mon âme. Bah, et pourquoi donc ? Il m'a blessé. Preuve qu'il se bat bien, puisque vous êtes la meilleure lame de Paris. Mais après lui, paraît-il. Il m'a insulté. Bah, quelques méchantes querelles de cabaret. Cela s'oublie. Oh ! Gronda le comte écumant. Cet homme, voyez-vous, je l'étranglerai de mes mains. Non. Vous lui tendrez la main, vous lui sourirez et vous serez son ami. Jamais. Je le veux. Du Barry se redressa. Un instant, toute la morgue de sa race remonta à son front en une ardente bouffée. Mais, sous le regard de M. Jacques, il frissonna, pâlit, et il baissa la tête. D'une voix haletante, il tenta une dernière défense. « Mais il est à la Bastille !»« C'est vous qui l'avez fait arrêter, n'est-ce pas ? Eh bien, faites-le sortir. Arrangez-vous comme vous voudrez. Ce n'est pas mon affaire. » Ici commence votre besogne. Je vous donne 8 jours, pas plus. Dans 8 jours, vous m'apporterez 2 choses. D'abord, une autorisation pour moi de communiquer avec le prisonnier sans témoin. Et ensuite, un ordre de mise en liberté immédiate. Dites ce que vous voudrez. Vous avez dû inventer une histoire pour le faire arrêter. Inventez-en une autre pour le faire relâcher. Dites que vous vous êtes trompé. Enfin, faites comme vous l'entendez, mais dans 8 jours. Est-ce entendu ? C'est impossible. Impossible ? Répéta Jacques. Vous me dites, à moi, que c'est impossible ? Je vous le jure. Sur quoi ? Serait-ce sur votre honneur de gentilhomme ? Le comte Du Barry eut une suprême révolte. Monsieur ! Monsieur ! Monsieur Jacques eut un sourire de tranquille menace. « Ah, ça ! Vous avez donc hérité ?»« Malheureusement, non. »« Alors, vous n'avez plus besoin d'argent ?»« Jamais je n'en ai eu si grand besoin, au contraire. »« Vous oubliez peut-être notre pacte ?»« Je n'oublie rien. »« Eh bien, je ne vous comprends pas. Expliquez-moi ce mystère. » C'est bien simple. Le chevalier d'Assas a osé outrager, provoquer son roi. Crime de lèse-majesté, n'est-ce que cela ? Mais vous voulez donc ma mort ? Non, je veux votre vie heureuse et riche. Et pour cela, il faut encore m'obéir. Est-ce dit, mon cher comte ? Oui, fit Du Barry dans un souffle de rage. Très bien. « Avez-vous besoin d'argent, cher comte ?»« Si, si, je vois cela à votre air. »« Ah, ces jeunes gentilshommes parisiens, toujours à court. »« Quel panier percé !»« Allons, voici pour consoler votre grande haine contre ce pauvre jeune homme qui n'en peut, mais... »« Voici un petit bon de 30 000 livres, en attendant mieux, »« c'est-à-dire 25 000 pour le permis de communiquer »« et le reste pour l'ordre de mise en liberté de votre farouche ennemi » qui me fait l'effet d'un charmant garçon. Allons, allons, au revoir, mon cher comte. Je vous attends dans 8 jours. » En parlant ainsi, M. Jacques poussait doucement Du Barry vers la porte. Lorsque le comte se retrouva dans la rue, il crispa les 2 poings et, livide, les dents serrées, murmura. « Pris, je suis pris dans un inextricable réseau. Je n'ai plus le droit ni d'aimer ni de haïr. Je ne suis plus qu'un misérable instrument aux mains de cet homme. Oh, mais patience, comme il le dit lui-même quelquefois. » Cependant, peu à peu, le comte se calma. En somme, M. Jacques payait 80 000 livres la mise en liberté du chevalier d'Assas. Savoir un bon de 30 000 livres que Du Barry alla toucher séance tenante et deux bons de 25 000 livres promis par le mystérieux personnage qui, jusqu'ici, avait rigoureusement tenu toutes les promesses de ce genre qu'il avait pu faire. C'était donc une excellente affaire. Du Barry réfléchit que le plus pressé pour lui était de gagner les 50 000 livres qui lui restaient à encaisser. Quant au chevalier d'Assas, il lui chercherait quelque bonne querelle et le tuerait. Ou mieux, il ne manquait pas à Paris d'honnêtes bravi qui, moyennant finance, opéraient en douceur et sans esclandre. Ce fut en roulant ces hideuses pensées, argent, trahison, haine, sang, tout cela se tenait et s'enchaînait en lui. Ce fut en songeant aussi à d'autres projets plus profonds que le comte Du Barry commença aussitôt le siège du lieutenant de police, du garde des Sceaux et du roi lui-même. Il n'eut aucune peine à triompher. En somme, toute l'accusation contre le chevalier d'Assas venait de lui. Et c'était chose si rare que d'entendre Du Barry chercher à innocenter quelqu'un qu'on pouvait l'en croire sur parole quand la chose lui arrivait. Aujourd'hui, le comte apportait à M. Jacques les deux papiers demandés et l'emmenait dans son carrosse à la Bastille. Nous avons vu comment M. Jacques avait été présenté au gouverneur, puis conduit par un porte-clés jusqu'au cachot du chevalier d'Assas.